Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous vous proposons maintenant un petit survol de l'actualité scientifique de cette semaine. Alors Valérie, pour rester dans le domaine de l'éducation, tu rapportes ce qu'il se passe dans le cerveau quand il est en mode apprentissage. Oui, et en fait, ce ne sont pas des nouvelles découvertes toutes fraîches de cette semaine là, que je vais rapporter, mais des découvertes effectuées en neurosciences ces dernières années et qui font l'objet d'un cours à l'Université du Québec à Montréal pour apprendre aux futurs enseignants comment maximiser le potentiel du cerveau des élèves. Et le cours est donné par le professeur Steve Masson et le journaliste Jean-François Ducharme y a assisté et a écrit un article qu'on peut lire sur le site de l'Université du Québec à Montréal. Donc le professeur Masson explique d'abord qu'au tout début de l'apprentissage, c'est le cortex préfrontal, donc l'avant du cerveau qui est sollicité et au fur et à mesure que les notions sont assimilées, l'activité se déplace vers l'arrière du cerveau, ce qui libère le cortex préfrontal pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est la théorie, mais comment les enseignants peuvent profiter de ces connaissances pour maximiser l'apprentissage des élèves? Alors, le professeur Masson dit que pour apprendre, le cerveau doit être actif, c'est-à-dire pas uniquement en mode écoute. Donc, il faut placer les élèves en situation de questionnement ou d'expérimentation, par exemple. Bon, ça, on le sait que ça marche mieux quand on est soi-même en mode actif que juste en pure écoute. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que le cerveau semble préférer plusieurs petites séances d'apprentissage qu'une grande séance. Donc, par exemple, pour expliquer quelque chose, une règle de grammaire, par exemple, il vaut mieux 3 séances de 20 minutes que sur 3 jours qu'une seule séance d'une heure. Et bon, alors ça, ce n'est qu'un résumé. Et en fait, on peut lire l'article complet sur la page d'accueil du site de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors ça, c'était à l'UQAM, mais tu es aussi allé voir ce qu'il y a de neuf à l'INRS. Oui, alors l'INRS, on en parle assez souvent à Futur Simple. On reçoit des étudiants et des chercheurs de l'INRS, mais on ne parle que de la recherche effectuée ici à Québec au Centre Haute-Terre Environnement. Mais l'INRS, c'est aussi l'Institut Armand Frappier qui est à Montréal et donc qui est actif dans le domaine de recherche médicale, donc vers les maladies infectieuses, le cancer, l'épidémiologie, les biotechnologies et toxicologie environnementale. Et il y a une équipe de chercheurs qui s'intéresse particulièrement au coronavirus. Ça, c'est un virus qui affecte les voies respiratoires. Alors, il y a plusieurs souches de coronavirus et ils sont responsables, entre autres, de nombreux rhumes et du SARS. Donc, le SARS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère. Alors, les mécanismes qui permettent à un virus d'infecter une cellule et de détourner toute la machinerie cellulaire à leur profit, parce qu'on sait que pour que la cellule, le virus fonctionne, faut que finalement il infecte la cellule et qu'il utilise toute la machinerie pour regrouper son propre génome et ensuite se répandre. Donc c'est un processus assez complexe et pas toujours bien compris. Alors les chercheurs de l'INRS viennent d'apporter une pièce à ce casse-tête. Ils ont découvert une mutation de la protéine S qui rend le virus moins virulent. Alors, elle n'empêche pas le virus de se propager, mais le virus est moins virulent. Et l'étude a été publiée dans la revue PLOS Pathogens. Et tu as aussi une petite nouvelle de l'Université Laval? Oui, comme ça on essaie de faire un petit tour des universités. Oui. Donc, on va s'intéresser à la morue arctique. C'est Maxime Geoffroy qui est doctorant dans l'équipe du professeur Louis Fortier. Lui, il a mesuré la taille et le nombre de morues dans les années de 2010 à 2014 et il les a comparées avec les données climatiques. Alors, en 2013 et 2014, il faut se souvenir qu'il y a eu un hiver assez long et la débâcle est arrivée 5 à 8 semaines plus tard que les années précédentes. Donc, ça a eu des conséquences sur la température de l'eau pendant l'été. L'eau était plus froide en 2013-2014 que les années précédentes. Alors, les chercheurs se sont aperçus, quand ils ont comparé la taille des morues avec la température de l'eau, mais ils se sont aperçus que la taille des jeunes morues est corrélée avec la température de l'eau. Donc, les morues sont plus abondantes et plus grosses quand la débâcle survient tôt et que la température de l'eau est plus chaude. Alors ça laisse penser que la population de morues connaîtrait des jours meilleurs avec le réchauffement climatique. Mais évidemment, ça reste à confirmer. Et toi, de ton côté, François, Tu rapportes une étude que les chercheurs auraient fait et qui montrerait le principe de base de la magnétoréception chez certains animaux. Oui, en fait, la magnétoréception est un phénomène que l'on peut observer chez toutes sortes d'êtres vivants, comme certaines bactéries, les papillons monarques, les homards, les rats-taupes, les saumons, les chauves-souris et certaines espèces de tortues, de requins ou d'oiseaux, comme le pigeon voyageur. Mm-hmm. Alors, c'est un sens qui permet à l'animal qui en est pourvu de détecter un champ magnétique et de percevoir sa direction et sa position dans l'espace. Alors, ces sens seraient donc en rapport direct avec la migration animale, puisqu'il permet la détection du champ magnétique terrestre. Il permettrait donc aux animaux de se constituer des cartes, entre guillemets, des cartes du monde, et de naviguer sur ces cartes. Mm-hmm. Et bon, puisque tu as nommé plusieurs espèces qui en sont pourvues, est-ce que les humains aussi seraient pourvus de ce sens? Est-ce qu'il y aurait des expériences qui ont été faites sur ce sujet-là? Ben, il y a tellement d'espèces qui sont pourvues de ce sens. En fait, on en découvre toujours de plus en plus, qu'on peut se demander pourquoi nous, les humains, on en serait dépourvus. Alors, au cours des années 80, plusieurs études ont prétendu démontrer une sensibilité humaine au champ magnétique, mais ensuite, d'autres études ont montré tout à fait le contraire. Par contre, en l'an 2000, des expériences ont démontré que le champ magnétique terrestre peut modifier légèrement la perception visuelle. Chez les animaux, on sait que plusieurs espèces fabriquent une protéine qui leur permet de sentir le champ magnétique environnant pour mieux s'orienter. Or, l'humain posséderait aussi le gène permettant de produire cette protéine. Mmh, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette protéine? Alors, il s'agit d'un complexe de molécules codées par des gènes présents pratiquement chez tous les organismes, dont ceux qui ont fait l'objet de l'étude, comme la drosophile, qui est la mouche à fruits, le papillon monarque, le pigeon voyageur, le rat-taupe, le petit rorqual, puis et finalement même l'être humain. Alors, ce complexe moléculaire, qui est sensible au champ magnétique, est composé de deux protéines elles-mêmes codées par des gènes associés. Ces protéines sont le cryptochrome, que l'on connaît déjà car il est impliqué dans une série de réactions de l'organisme à la lumière, et une nouvelle espèce chimique nommée magnétorécepteur. Magnétorécepteur. Alors, comment ça fonctionne, ça, ces magnétorécepteurs? Alors, le magnétorécepteur est une véritable molécule aimant, on pourrait dire. Alors, son centre est constitué d'un atome de fer et d'un atome de soufre, dont la disposition particulière lui donne des propriétés semblables à celles d'une boussole microscopique. Alors, plusieurs molécules aimants et plusieurs cryptochromes forment un agrégat de très grande taille. Une gaine de cryptochrome qui s'enroule en hélice autour d'une chaîne de molécules aimants constitue un tube sensible au champ magnétique. Alors, lorsque les tubes sont mis dans l'eau et lorsqu'on les expose à des champs magnétiques d'orientation variable, l'orientation change. Les scientifiques chinois ont observé que ces magnétorécepteurs sont présents dans les cellules de rétine de pigeons, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette molécule composite. Alors, d'une part, elle s'oriente selon le champ magnétique, comme le ferait une boussole. Et d'autre part, elle peut intégrer des informations liées à la position du soleil grâce à la capacité des cryptochromes à capter la lumière. Mm-hmm. Alors, il permettrait donc l'intégration d'informations géomagnétiques et lumineuses. Mm-hmm. Mais donc, tout à l'heure, tu disais que nous, humains, nous aurions ce gène. Donc, est-ce que nous ne pourrions pas nous orienter, nous aussi, sur le champ magnétique terrestre? Ça serait pratique, hein? En fait, l'espèce humaine a pourtant, dans son bagage génétique, comme tu viens de dire, le matériel nécessaire pour fabriquer ces micro-boussoles, parce qu'on a les gènes. Mm-hmm. Mais il se peut que ces gènes ne soient peu ou pas exprimés dans notre cerveau ou dans notre rétine, ou parce que l'humain aurait développé d'autres systèmes de repérage spatial en raison de son intelligence. Alors, il est fort probable que si la recherche continuait dans ce domaine, la science trouverait un moyen de réactiver mm-hmm. l'expression de ces gènes, ce qui effectivement nous rendrait sensibles au champ magnétique terrestre. Mais le développement de la haute technologie dans ce domaine, je pense, par exemple au GPS, mm-hmm. je pense que ça rendrait le tout inutile. Oui, c'est vrai. Il y a une compétition finalement entre les hautes technologies et les biotechnologies. Oui. Et puis, dans le cas de la haute technologie, peut-être qu'elle pourrait s'inspirer de ces magnétorécepteurs, un cas de biomimétisme, par exemple. Tout à fait. Merci, François. Alors, on va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on explore l'éto-robotique, une étrange intrusion de la haute technologie dans l'étude des comportements animaux.